quelques gestes, quelques paroles. Et c'est ta vie qui s'envole. Même pas le temps de te dire combien je t'aimais avant de partir. C'est ton sourire qui s'efface dans mon cœur blessé de traces. Et tes paroles résonnent encore. Les absents ont toujours tort. Au revoir, puisque la vie t'arrache à nous. Tu vois, le monde est devenu fou. On en rira sûrement là-haut. Au revoir, puisque la vie t'arrache à nous. Tu vois, le monde est devenu fou. Tu y es allé trop tôt. Thank you.